un brin de verre pour les prochaines progénites. Maman, la terre n'est plus qu'un amas de terre. Comprends-tu pourquoi Jah est en colère? Le jardin d'Éden est devenu infecté, mais comprendront conscience mes frères. Les clans respirent hydrocarbures, les plaines de gazon, béton et mur. L'Amazonie s'envole en attaque de Dieu. Quel héritage pour les prochaines progénitures? Tape le béton qui nous va à l'horizon. Tape le béton qui nous va à l'horizon. Un brin de verre pour les prochaines progénites. Maman, la terre devenue hyper marché. Ils ne seront plus con qu'ils font que la polluer. C'est pourtant à qui les nourrissaient. Ils n'ont su la respecter. À force la taxer à outrance, ils ont oublié les conséquences. Loin d'être une fronde abondante, des réserves se meurent dans l'ignorance. Tape le béton qui nous va à l'horizon. Tape le béton qui nous va à l'horizon. Un brin de verre pour les prochaines progénitures. Maman, la terre, sa nature s'évapore. Regarde un peu aujourd'hui la couche d'ozone vole. C'est aujourd'hui la fonte du sud au nord. Alors les couleurs augmentent leur mort. On a vu aujourd'hui, vois-tu notre héritage qui nous a comblé de toute beauté sauvage. Alors je peur, oui, tout s'érive, car je crains le pire, oui, comme un présage. Tape le béton qui nous va à l'horizon. Tape le béton qui nous va à l'horizon. Un brin de verre pour les prochaines progénitures. Ah, un brin de verre pour les prochaines progénitures. Ah, stop, stop, stop. Un brin de verre pour les prochaines progénitures. Ah, un brin de verre pour les prochaines progénitures. Un brin de verre pour les prochaines progénitures.